attiré par l'argent comme les abeilles par le miel. J'ai plus la tête en l'air depuis que j'ai que l'argent tombe pas du ciel. Les bleus voient rouge et guettent en noir, je t'avertis. Quand il fait un temps de chien, les jaunes sont sortis. Je me plains pas, les SDF ont faim devant une croissante lune. Je fais des fautes d'orthographe, joue pas la rouge, préfère les brunes. Je suis un talent dans l'ombre, on dit que je fais du buzz sur la toile. Pas de chance, y'a que les feuges qui croient avant leur bonne étoile. L'État veut pas donner d'argent, mais donner des bracelets. Le temps c'est de l'argent, je comprends pourquoi on veut m'emprisonner. J'aimerais tuer un flic, fumer sa cendre avec la beuh. Ma meuf ne cautionne pas, je la plaque pour qu'elle ait une peur bleue. Y'a le chant des sirènes, je te parle pas de Walt Disney. Je suis blanc avec une queue de noir, ramène-moi à poil l'utisme. Quand je fais des punchlines, je suis heureux, y'a pas pire au mic. La pire erreur de dire qu'il y a un couvre-feu à un pyromane. Pour moi la vie est une guerre et y'aura pas de survivants. Faut s'armer de patience, tirer sur les mondes pour tuer le temps. Les femmes qui avortent, c'est triste, préfèrent tuer leur bébé. C'est la même qu'un attentat terroriste à la maternité. La roue tourne, mais la chance a sauté mon tour. Piat, une victime du Heps, ne peut pas te faire la cour. Si tu connais le vrai rap, tu diras que je fais des classiques. Facile de dire je t'aime à ma mère si elle serait amnésique. Mes ennemis, à force de les frapper, ont pris la grosse tête. Malheureux, ça m'arrange, j'aurais pas la tête dans mon assiette. Ça se met à rapper, ça fait les durs, normal, ils ont pas craché. Ton MC préféré, Naturi, je l'envoie se rhabiller. Face aux flics, je nie, les femmes sont pleines de ce vie. Je vais m'amputer comme ça, personne n'arrivera à ma cheville. Des fois, je suis pas net, un dragon dans la braguette. J'aime bien les Asiates, je les mène à la baguette. Ma vie nuit quand je sors souris. Un cubain qui a la chiasse, on appelle ça un fidèle gastro. J'honore mon bass comme un vrai maestro. J'dors des sommeils de plomb, j'rêve que de carabine. Pousser le plus c'est bon, va pas dire ça à Karadine. J'vis des situations à en avoir des courbatures. J'vous le raconte pas, c'est pas des scoops à Arthur. Miss t'as une moule à faire bander un eunuque. Quand j'te prends le boule, j'mets ma main sur ta nuque. Si j'te fais l'amour à la Sifredi, tu me grifferas le dos à la Kruger Freddy. Ton rap pue la merde, faire bander un scatophile. T'as une haleine de chèvre à embrasser un zoophile. Un gros sur une moto, on appelle ça un Ricross. On chante la monnaie, mais au fond, on est ricrac. J'fais des punchlines de clown, car mon rap c'est un cirque. J'manque pas de couilles. Quand j'rappe, c'est un signe. Étant petit, je lui dessinais des arcs-en-ciel. Plus grand, j'l'en ai fait voir de toutes les couleurs. Respire à ma daronne, elle a pas mis au monde un maricone. Trop de testo, j'compte mes méfaits par tonne. Trop de punchliners en carton, des rappeurs écologiques. Ça écrit des phrases sans aucune logique. Comme Abruzzi, j'm'agenouille que devant Dieu. Comme de funesse avec mon rosé, j'crie 20 jeux. Mes punchlines, c'est pas des fables. Y'a qu'à Bamako que tu trouveras la poutre. On dort pas la nuit, nique le marchand de sable. On reste éveillé avec des marchands de poudre. Chez nous on a des crocs de vampires. C'est pour ça qu'on répense en pour se créer des empires. Des gays qui ont des abdos, on appelle ça des homo tablettes. C'est pour ça que beaucoup dans la rue se font lessiver. Je suis un vrai lapin, je mange jamais lessivé. Dans les médias c'est un crime de se faire les UV.